la femme de Fabien se fit annoncer. Poussée par l'inquiétude, elle attendait, dans le bureau des secrétaires, que Rivière la reçût. Les secrétaires, à la dérobée, levaient les yeux vers son visage. Elle en éprouvait une sorte de honte et regardait avec crainte autour d'elle. Tout ici la refusait. Ces hommes qui continuaient leur travail, comme s'ils marchaient sur un corps. Ces dossiers où la vie humaine, la souffrance humaine, ne laissaient qu'un résidu de chiffres durs. Elle cherchait des signes qui lui eussent parlé de Fabien. Chez elle, tout montrait cette absence. Le lit entrouvert, le café servi, un bouquet de fleurs. Elle ne découvrait aucun signe. Tout s'opposait à la pitié, à l'amitié, au souvenir. La seule phrase qu'elle entendit, car personne n'élevait la voix devant elle, fut le juron d'un employé qui réclamait un bordereau. « Le bordereau de Dynamo, bon Dieu, que nous expédions à Santos !» Elle leva les yeux sur cet homme avec une expression d'étonnement infini. Puis, sur le mur, où s'étalait une carte, ses lèvres tremblaient un peu, à peine. Elle devinait, avec gêne, qu'elle exprimait ici une vérité ennemie, regrettait presque d'être venue, eût voulu se cacher, et se retenait, de peur qu'on la remarque trop, de tousser, de pleurer. Elle se découvrait insolite, inconvenante, comme nue. Mais sa vérité était si forte que les regards fugitifs remontaient à la dérobée, inlassablement, la lire dans son visage. Cette femme était très belle. Elle révélait aux hommes le monde sacré du bonheur. Elle révélait à quelle matière auguste on touche, sans le savoir, en agissant. Sous tant de regards, elle ferma les yeux. Elle révélait quelle paix, sans le savoir, on peut détruire. Rivière la reçut. Elle venait plaider timidement pour ses fleurs, son café servi, sa chair jeune. De nouveau, dans ce bureau plus froid encore, son faible tremblement de lèvres la reprit. Elle aussi découvrait sa propre vérité dans cet autre monde, inexprimable. Tout ce qui se dressait en elle, d'amour presque sauvage tant il était fervent, de dévouement, lui semblait prendre ici un visage importun, égoïste. Elle eût voulu fuir. « Je vous dérange. »« Madame, lui dit Rivière, vous ne me dérangez pas. » « Malheureusement, madame, vous et moi ne pouvons mieux faire que d'attendre. » Rivière taisait une pitié profonde. « Madame !» La jeune femme se retira avec un sourire presque humble, ignorant sa propre puissance.